doit s'accrocher au cœur, puisqu'un jour on les perdra. Ils sont si fragiles qu'en un instant on les oublie. J'ai perdu le mien il y a longtemps déjà. Je voulais t'en parler, mais tu n'es jamais là. On est si fragile qu'en un instant on s'oublie. Nous sommes des cœurs qui battent puis s'arrêtent. Nous sommes des cœurs qui s'arrêtent puis battent puis s'arrêtent. Nous faisions que ça, battre nos amours. Tant et si bien que nous les avons tués. Ils sont si fragiles qu'en un instant ils succombent. Peut-être qu'il y a des cœurs qui ne battent qu'à moitié. Jamais le rythme qui fait danser le bonheur. Il est si fragile qu'en un instant il s'enfuit. Nous sommes des cœurs qui battent puis s'arrêtent. Nous sommes des cœurs.